les militaires de l'armée populaire se sont engagés au reboisement printanier. Rien qu'à la journée du reboisement, ils ont planté plus de 3,75 millions d'arbres de bonnes espèces, notamment mélèzes de Changsong, pimpignons, junco et acacia, au district du Palais du Soleil de Kumsusan, au haut lieu révolutionnaire, aux anciens théâtres de bataille révolutionnaire et aux environs de leurs unités et de leurs régions de stationnement.